Quatrième partie, chapitre 2 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Commune par Luce Michel. Quatrième partie, l'Hécatombe. Chapitre 2, la Curée froide. Paris sanglant, au clair de lune, rêve sur la fosse commune. Victor Hugo. Au chenil, les soirs de chasse, après la curée chaude sur le court pontelant de la bête égorgée, les valets de meute jettent aux chiens du pain trempé de sang. Ainsi fut offerte par les bourgeois de Versailles la curée froide aux égorgeurs. D'abord la tuerie en masse avait eu lieu quartier par quartier à l'entrée de l'armée régulière, puis la chasse aux fédérés dans les maisons, dans les ambulances, partout. On chassait dans les catacombes avec des chiens et des flambeaux. Il en fut de même dans les carrières d'Amérique. Mais la peur s'en mêla. Des soldats de Versailles, égarés dans les catacombes, avaient pensé périr. La vérité est qu'ils avaient été guidés pour en sortir, par le prisonnier qu'ils venaient de faire, et que n'ayant pas voulu le livrer en retour, pour être fusillé, ils lui avaient laissé la vie, ce qu'ils tenaient à secret. Leurs maîtres les eussent eux-mêmes punis de mort. Ils répandirent sur les catacombes d'épouvantables récits, le bruit ayant d'un autre côté couru que des fédérés armés se cachaient dans les carrières d'Amérique. L'ordure se ralentit pour ces chasses, dont celle du fox en Angleterre donne assez la moche. La bête parfois regarde passer les chiens et les chasseurs. D'autres fois on l'a vu, elle semble paresseuse à se lancer en avant pour subir sur elle la chaude haleine des chiens. Le dégoût prenait ainsi les hommes pour chasser. Quelques-uns en paix mourirent de faim, rêvant de liberté. Les officiers de Versailles, maîtres absolus de la vie des prisonniers, en disposaient à leur gré. Les mitrailleuses étaient moins employées qu'au premier jour. Il y avait maintenant, quand le nombre de ceux qu'on voulait tuer surpassait 10, des abattoirs commodes. Les casemates des fours confirmaient, une fois les cadavres entassés, le bois de Boulogne, ce qui en même temps procurait une promenade. Mais tout étant plein de morts, l'odeur de cette immense sépulture attirait sur la ville morte les seins horribles des mouches décharnées. Les vainqueurs, craignant la peste, suspendirent les exécutions. La mort n'y perdait rien. Les prisonniers entassés à l'orangerie, dans les caves, à Versailles, à Satory, sans linge pour les blessés, nourris plus mal que des animaux, furent bientôt décimés par la fièvre et l'épuisement. Quelques-uns, apercevant leurs femmes ou leurs enfants à travers les grilles, devenaient subitement fous. D'autres part, les enfants, les femmes, les vieux, cherchaient à travers les fosses communes, essayant de reconnaître les lueurs dans les charretées de cadavres incessamment versés. La tête basse, des chiens maigres y rôdaient en hurlant. Quelques coups de sable avaient raison des pauvres bêtes. Et si la douleur des femmes ou des vieux était trop bouillante, ils étaient arrêtés. Il y avait dans les premiers temps je ne sais quelle promesse de 500 francs de récompense pour indiquer le refuge d'un membre de la Commune ou du comité central. Cela courait en France et à l'étranger. Tous ceux qui se sentaient capables de vendre un proscrit étaient invités. La lettre suivante fut adressée de Versailles, dès le 20 mai, aux agents des gouvernements à l'étranger par le gouvernement de Versailles. Monsieur, l'œuvre abominable des scélérats qui succombent sous l'héroïque effort de notre armée ne peut être confondue avec aucun acte politique. Elle constitue une série de forfaits prévus et punis par les lois de tous les peuples civilisés. L'assassinat, le vol, l'incendie systématiquement ordonnés, préparés avec une infernale habileté, ne doivent permettre à leurs complices d'autre refuge que celui de l'expiation légale. Aucune nation ne peut les couvrir d'immunité, et sur le sol de toutes, leur présence serait une honte et un péril. Si donc vous apprenez qu'un individu compromis dans l'attentat de Paris a franchi la frontière de la nation près de laquelle vous êtes accrédité, je vous invite à solliciter des autorités locales son arrestation immédiate et à m'en donner de suite avis pour que je régularise cette situation par une demande d'extradition. Jules Favre. L'Angleterre, pour toute réponse, reçut les proscrits de la Commune. Le gouvernement espagnol et le gouvernement belge envoyèrent seuls leur adhésion à Versailles. La Belgique pourtant, après le premier moment où la maison de Victor Hugo fut assiégée parce qu'il avait quoique mal renseigné sur plusieurs personnalités, offert un asile aux fugitifs, après les premiers moments, disons-nous, la Belgique, plus au courant des événements, ouvrit ses portes et ne le referma plus. Vaughan de Neuvillé, Constant Martin, représentaient les malfaiteurs. L'hospitalité large est dès le premier instant et depuis longtemps la gloire de l'Angleterre. Comme d'autres puissent dans le passé les férocités disparues, elle épuisa, elle, cette vertu, l'hospitalité. Aujourd'hui encore, les proscrits qui fuient les boucheries du Sultan Rouge, les torturés échappés à Montjuïc, trouvent à Londres, comme y trouvèrent les fugitifs de la Commune, une pierre où reposer leur tête. Un journal belge, La Liberté, ayant reproduit le douloureux récit d'un prisonnier arrêté à la prise de Châtillon et envoyé à Brest, après 1000 insultes, on comprit à la fois le caractère des fédérés et la férocité de Versailles. Les choses s'éclaircirent à Bruxelles, comme à Londres. Après la prise de Paris, il n'y a plus de rigueur encore. Les soldats et les gendarmes avaient l'ordre, s'ils entendaient quelques bruits à l'intérieur des wagons à bestiaux où les prisonniers étaient entassés pour les longues distances, de décharger leurs revolvers par les trous pratiqués à cause de l'air. L'ordre fut exécuté. Satory était l'entrepôt d'où l'on envoyait les prisonniers à la mort, au ponton ou à Versailles. Le sang ne séchait pas facilement sur les pavés. La terre gorgée n'en pouvait plus boire. On croyait encore le voir ruisseler pourpre sur la Seine. Il fallait faire disparaître les cadavres. Les lacs des buttes chaumont rendaient les lueurs. Ils flottaient bâillonnés à la surface. Ceux qu'on avait enterrés à la hâte se gonflaient sous la terre, comme le grain qui germe. Ils levaient, crévassant la surface. On avait remué pour les emporter aux fosses communes. Les plus larges amas de chair putréfiés, on les porta partout où ils en pouvaient tenir. Dans les casemates où on finit par les brûler avec du pétrole et du goudron. Dans les fosses creusées autour des cimetières, on en brûla pour charreter place de l'Étoile. Quand pour la prochaine exposition, on creusera la terre au Champ de Mars, peut-être malgré les flammes allumées sur les longues files où on les couchait sous les lits de goudron, verra-t-on les œufs blanchis calcinés apparaître rangés sur le front de bataille comme ils furent au jour de mai. Quelques-uns se souviendront des lueurs rougeâtres, de l'épaisse fumée qu'à certains soirs, après que Paris fut mort, on voyait de loin. C'était le boucher d'où s'exhalait une odeur infecte. Il y avait de ces mots-là qu'on attendait encore. On les attendit longtemps. Quand on se lassa de ne rien voir, on espérait presque malgré tout. Puis des femmes, sous leur vieux châle, cachant des pincées de graines, furtivement les semèrent sur les fosses des cimetières. Elles y poussaient largement. Quelques-unes fleurirent comme des gouttes de sang. Alors les femmes furent surveillées et grossièrement insultées. En dépit de tout, les fosses étaient toujours fleuries. L'une, Madame Gentil, dont le mari avait combattu en 48, peut-être même en 1830, laissa pendant des années sa porte seulement poussée, afin qu'il pût rentrer sans éveiller l'attention. Il avait bien traversé les jours de juin. Il était rentré un soir. Pourquoi ne rentrerait-il pas au jour de mai? Elle appelait ses jardins les fleurs des tombes, les cultivait pour les morts. Son mari, elle, ne voulait pas qu'il le fût. Son chien, un gros bouton blanc, l'attendait à la porte des cimetières. La nuit, avec elle, il attendait le maître. Madame Gentil crut connaître l'endroit où l'on avait enterré de l'écluse. Elle en fit part à sa sœur, avec qui souvent elle était. On ne l'arrêta pas. Peut-être le dut-elle à ce qu'on la voyait attendre son mari, qu'on aurait pris avec elle. Peut-être aussi le dut-elle à une famille influente qui, à son insu, avait été touchée de cet entêtement contre la mort. À notre retour de Calédonie, Madame Gentil, heureuse comme elle ne l'avait point été depuis longtemps, tressaillait encore, tout en partageant à ceux qui n'avaient rien son pauvre magasin. Quand elle entendait des pas qui lui rappelaient ceux de son mari, et le chien dressait les oreilles. Nous avons dit que le chiffre de 35 000 adoptés officiellement pour les victimes de la répression de Versailles ne peut être pris comme réel. La lettre de Benjamin Raspail à Camille Pelletan en contient d'indiscutables preuves que nombre d'autres depuis sont venus corroborer. Mon cher ami, on aura beau faire pour établir le chiffre des morts pendant la tuerie qui a suivi la répression de la Commune, on n'arrivera jamais à en savoir le nombre. D'après votre article paru samedi dans La Justice, vous dites qu'il faut évaluer à plus de 3 500 les corps enterrés au cimetière d'Ivry. Je puis vous garantir que vous êtes singulièrement loin du compte. En effet, rien que dans l'immense fosse creusée dans ce qu'on appelle le premier cimetière parisien d'Ivry, il y fut enfoui plus de 15 000 corps. En outre, on fit plusieurs autres fosses, et l'on estimait qu'elle contenait 6000 autres cadavres, soit en tout 23000. À l'époque, je ne tardais pas à être bien renseigné, et les agents de la police, qui pendant plusieurs années firent le service pour empêcher les parents et les amis de placer la moindre marque de souvenir sur cette immense fosse, ont toujours dit le premier chiffre lorsqu'on les interrogeait. Je puis même ajouter que certains d'entre eux ne cachaient pas combien l'exécution de leurs consignes vis-à-vis des parents leur était pénible. Le chiffre de 15000 dans la grande fosse n'a jamais été mis en doute. Dans une première campagne contre l'administration de l'assistance publique, brochure que je publiais en 1875, je citais ce chiffre page 9. Oh, vous savez combien l'ordre moral guettait pour les étouffer et les poursuivre les moindres révélations de l'époque sanglante. Eh bien, il nous a élevé aucune contestation. Non, on ne saura jamais le nombre de tués pendant et après la lutte, et celui bien autrement énorme des personnes qui, n'ayant pris aucune part à la commune, furent fusillées et égorgées. Un détail encore plus connu, pendant plus de 6 semaines, chaque matin, de 4 à 6 heures, on exécutait au four de Bicêtre. Dans les derniers jours, les fournées étaient encore d'une trentaine de victimes. Sur beaucoup de points de la banlieue, les tranchées qui avaient été établies pour les Prussiens servirent à enfuir des monceaux de fusillés. Ici, des points indiquaient sans doute des choses trop horribles ou un nombre de cadavres trop élevé pour qu'il fût possible de le publier. Benjamin Raspail reprend ainsi. Après toutes les révélations enregistrées depuis quelques semaines par la presse, après les imprudentes paroles prononcées par M. Le Royer, il ne faut pas oublier, nous ne voulons pas qu'on oublie. Eh bien oui, je suis de cet avis. Il faut que la justice, que l'humanité et la civilisation noyées à cette époque dans des torrents de sang reprennent le droit. La véritable enquête n'a pu être faite tant la terreur était grande. Maintenant, elle peut l'être. Le premier point à établir, c'est dans tous ces lieux d'exécution où on a exécuté sans forme de jugement, sans dresser le moindre procès-verbal. Dès lors, ce sont après le combat, après la lutte, de véritables assassinats, et on connaît maintenant assez de ces assassins pour frapper quelques grands exemples. Je vous serre la main. Benjamin Raspail, député et conseiller général de la Seine, 20 avril 1880. Comme il s'illusionnait encore, Benjamin Raspail, quand les choses sont connues, ne dirait-on pas qu'elles ne sont que mieux cachées? Camille Pelletan ajoute. Des conseillers municipaux firent une enquête privée sur les résultats de la répression au point de vue de la population ouvrière. Ils arrivèrent, si j'ai bonne mémoire, à cette conclusion que 100 000 ouvriers environ avaient disparu. Camille Pelletan, la semaine de mai. Quand, après la délivrance, on remuera la terre pour les grands travaux de la libre humanité, en sera-t-il une parcelle où ne se mêle la cendre des victimes sans nom et sans nombre dont la vie fut jetée pour l'éclosion humaine? Nous avons ignoré en Calédonie combien de temps on arrêta pour la commune. Le dernier déporté, envoyé à la presqu'île du Cos, y arriva peu avant l'amnistie. C'était un vieux paysan qui s'étonnait qu'on eût pu le condamner puisqu'il était bonapartiste. Le malheureux pleurait beaucoup et le consolant à notre manière, nous lui disions que c'était bien fait dans ce cas-là. Nous avions si bien réussi à changer les idées du pauvre homme et même à lui faire prendre courage qu'au moment où il revint avec les autres, il commençait à mériter d'être venu nous retrouver. Comme les gens de Versailles avaient tué à leur rage, il arrêtait d'abord à leur fantaisie. Malheur à qui avait un ennemi assez lâche pour envoyer, vrai ou fausse, signé ou anonyme, une dénonciation. Elle était regardée comme vraie sans examen. L'armée avait disposé de la vie des Parisiens. La police disposa de leur liberté. Il en fut ainsi jusqu'au moment où les prisons regorgeant, ne pouvant plus faire disparaître aussi aisément les nombreux détenus. Le gouvernement informa les dénonciateurs qu'ils eussent à signer. Toutes les basses jalousies, toutes les haines féroces s'étaient assouvies jusque-là. Peut-être la situation atteignit une intensité d'horreur qui écœura les vainqueurs. Le sang de mai leur remonta à la gorge. Les grandes villes de province, la France entière, étaient une souricière immense. Quelques arrestations et même exécutions de Versailles eurent leur histoire. Dans la nuit du 25 au 26 mai 52, boulevard Picpus, deux vieux Polonais, restés de l'émigration de 1831, faisaient leur thé, se racontant les événements auxquels ils étaient trop vieux pour prendre part. Cette part eût été pour Versailles, où l'un d'eux nommé Schweizer, avait un neveu qu'il aimait beaucoup. L'autre se nommait Rozwadowski. Comme il savait le quartier envahi par l'armée régulière, où le neveu était lieutenant, l'idée leur prit de mettre trois tasses sur la table. Peut-être bien qu'il allait venir. Pendant que les vieux causaient paisiblement, des soldats s'informaient chez le concierge ainsi qu'ils faisaient partout. Un officier était avec eux. Dans le logement près du leur, deux autres locataires, qui ceux-là avaient servi la commune, se tenaient l'oreille au guet, écoutant les vieux qui, pensaient-ils, pouvaient les dénoncer. « N'y a-t-il pas d'étrangers ici ?» demanda l'officier au concierge. « Oui, dit celui-ci respectueusement. Mon officier, il y a les vieux polonais du cinquième. Des polonais, et ils sont avec Dombrowski. Montez devant. » Le concierge obéit. L'officier frappe. L'oncle se précipite. Mais ce n'est pas son neveu. « Vous faisiez des signaux, » dit l'officier en montrant les deux bougies qu'il avait allumées en réjouissance. « Vous faites partie des bandits de la commune. Ils sont tous polonais, là-dedans, en bas et plus vite que ça. » Les vieux croyaient à une plaisanterie. « Où est la troisième personne que vous cachez ici ?»« Il y a trois tasses. » Il essaie une explication qui est prise pour une moquerie. Et les voilà poussés dans l'escalier, traités de vieilles canailles et fusillés non loin de là. Comme leur auréole ne les faisait pas suffisamment reconnaître, les braves soldats firent comme disait Versailles, dans la rage du combat, ce que le lendemain, ils n'eussent pas fait de sang-froid. Le neveu a pris trop tard la méprise. Malgré la souricière établie dans la maison, les deux autres locataires échappèrent momentanément. Le journal Le Globe raconta ce qui fut reproduit par plusieurs autres. Qu'un membre de l'Assemblée nationale étant allé voir les quelques centaines de femmes déjà prisonnières à Versailles, il reconnut une de ses meilleures amies, femme du grand monde qui avait été prise dans une rafle à Paris et qui était comme les autres venue à pied à Versailles. D'autres, quoiqu'ils eussent dénoncé, ne paraissant pas présenter assez de garanties, étaient fusillés avec ceux qu'ils désignaient. Il y eut des épisodes horribles. Le petit journal du 31 mai 71 disait: Brunet était chez sa maîtresse quand on le fusilla. Cette femme a été passée par les armes. Après cette double exécution, les scellés ont été apposés sur les portes de l'appartement. Hier, quand on est venu pour enterrer les cadavres, la maîtresse de Brunet n'avait pas encore rendu le dernier soupir. On n'a pas voulu l'achever et la malheureuse a été transportée dans une ambulance. Oh, ces malheureux avaient été victimes d'une ressemblance. Brunet ayant pu gagner Londres. Pilloré, mort en Nouvelle-Calédonie, Ferré arrêté quelques jours après, Vaillant qui dut passer en Angleterre, furent passés plusieurs fois par les hommes en effigie vivante. Malheur à qui ressemblait à un membre de la commune ou du comité central. Hude, Cambon, le français, Vallès, chaque fois qu'on trouva quelques analogies, eurent des sosies fusillés dans plusieurs quartiers à la fois. Un mercier nommé Constant, dénoncé par des ennemis, fut doublement accusé parce qu'il ressemblait à Vaillant et parce qu'on le crut Constant Martin. On ne put l'exécuter qu'une fois. Pendant ce temps, l'Assemblée de Versailles et les journaux réactionnaires glorifiaient l'armée du sang versé. Quel honneur! Notre armée a vengé ses défaites pour une victoire inestimable. Journal des débats. Le dimanche 4 juin, des quêtes furent faites à tous les offices pour les orphelins de la guerre. Madame Thiers et la maréchale de MacMahon étaient présidentes de cette œuvre, reprenant l'œuvre de l'ancienne société pour les victimes de la guerre. Amère dérision. Horribles furent ces étapes où à la férocité inconsciente de la bourgeoisie avait succédé la froide et inconsciente charité. Mais l'idée n'est pas perdue. D'autres la reprendront et la feront plus grande. Déjà le mot « humanité », le dernier prononcé par milliards, roule à travers le monde. Cette transformation, qu'il salua en mourant, sera le XXe siècle. Après la victoire de Lourdes, l'épouvante était si grande que la ville natale de Courbet, au nom par décision du conseil municipal, fit enlever la statue du pêcheur de la Loire. Ce qu'on ne pouvait enlever, c'était le jalon sanglant qui marquait l'époque si largement qu'alors on en put sonder la profondeur. Fin de la curée froide.